Le bouquet d'azalées par Philibert Audebrand. En dépit de la question d'Orient, on danse beaucoup à Paris cet hiver. Au milieu du mois de décembre dernier, vous ne pouvez l'avoir oublié. Il a fait un froid noir, mêlé de neige et d'un vent aigu. Ça a été un motif d'encouragement pour les bals d'intimes. Plus la saison est rigoureuse, plus on prend plaisir à faire parade de fines dentelles et de belles fourrures. Jean-Paul Richter dit « Les riches, qui se moquent de tout, ont trouvé un moyen de railler l'hiver. Ils ont l'air de lui dire « C'est quand tu sévis le plus que nous multiplions nos plaisirs. C'est quand le soleil s'en bat que nous faisons briller nos diamants. » Très peu de temps avant le jour de Noël, Paul Dervieux, avocat stagiaire, mais apprenti homme du monde, reçut une lettre sur papier rose. Le pli venait d'une jolie cousine dont il était fou. À ce sujet, j'aurais grande envie d'ouvrir une parenthèse sur les cousins et les cousines. J'y dirais... Mais comme il paraît que l'esprit d'analyse gâte les plus belles choses, et notamment un récit, je laisserai là cette parenthèse et j'irai droit au fait. Voici le billet, formulé en très aimable pied de mouche. J'ai à vous dire, mon cher Paul, que nous allons ce soir au bal de Madame B., notre tante à la mode de Bretagne. On consent à ce que vous m'accompagniez avec mon bon père. Vous savez que l'excellent homme n'a pas tout à fait perdu son langage de vieux soldat. Voilà pourquoi il vous recommande d'être prêt à 10h10, heure militaire. À ce soir donc, mon cher Paul, votre cousine, Clémence Lorville. Un peu pareil à tous les amoureux des contes de fées, Paul Dervieux colla chastement ses lèvres sur ce billet rose et se dit « Je serai prêt à 10h15 ». En même temps, une idée soudaine monta à son front de 23 ans. Cette manifestation de sa pensée se produisit dans son esprit avec un cri vif, concis et lumineux. C'est la même interjection qui sortit des lèvres d'Archimède qu'il trouva le moyen de soulever le monde. C'est le monosyllabe de Colomb à la vue du continent qu'il avait pressenti. C'est le murmure que formulait le pauvre Beethoven en écrivant cette grande symphonie pastorale que ses oreilles devaient être les seules à ne point entendre. « Ah !» s'écria Paul Dervieux. Là-dessus, il sortit précipitamment, entra chez une fleuriste du Palais-Royal, jeta une pièce d'or sur le comptoir et, en échange, emporta un bouquet d'azalées du Japon. Cher lecteur, vous avez eu 20 ans, ou ce qui vaut mieux, vous les avez, ou ce qui vaut mieux encore, vous les aurez. Dans cette triple conjecture, vous avez aimé, vous aimez, vous aimerez les fleurs. Ici, les goûts diffèrent. Il y en a qui donnent la préférence à la violette de Parme. J'en sais qu'ils ne trouvent rien de mieux que la rose de Corinthe. Les tulipes de Harlem forment la base d'un commerce très important. Autant de cœur, autant de prédilection, car les fleurs sont appréciées moins par la vue que par le sentiment. Paul Dervieux inclinait pour les azalées du Japon, peut-être à cause d'un souvenir, par suite de quelques raisons délicates et inexplicables, peut-être seulement parce que cette forme lui plaisait. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en envoyant ce bouquet à sa cousine, il se disait tout bas « Les azalées du Japon sont jaunes d'or. » Clémence, qui est adorablement blonde comme cette Hélène qui a eu le rare privilège d'être aimée d'un roi et d'un berger, ne les mettrait pas dans ses cheveux. Ma cousine a bien trop de goût pour se rendre coupable d'un tel solécisme. Aussi dois-je lui envoyer ses fleurs pour servir de bouquet à tenir à la main. Et je suis sûr que toutes les femmes lui envieront cet appendice de la toilette. Paul Dervieux a parfois du bon sens, quoiqu'il soit avocat stagiaire. Il envoyait le bouquet avec les plus grandes précautions possibles. Y eut-il un billet avec? En conscience, je l'ignore. J'avoue même que si je le savais, je n'en sonnerais mot. Mais surtout, chère lectrice, je me garderais bien de reproduire ce que le crayon ou la plume auraient confié au papier pelure d'oignon. J'ai le tort d'être de ceux qui pensent qu'un billet d'amour est une chose 1000 fois plus sacrée qu'un billet à ordre. À 10h15, Paul Dervieux entrait chez sa cousine. On le complimenta beaucoup sur son exactitude. « À la bonne heure, petit cousin, lui dit le papa, te voilà en avance de 20 minutes. Allons, tu vas mieux que ta robe, tu méritais d'être soldat. » Clémence était devenue rouge comme une cerise de Montmorency, rouge de bonheur. Ceux qui aiment le bal comprendront cela à demi-mot. Comme la voiture attendait au pas de la porte, on ne tarda pas à s'installer. Le colonel sur une banquette, Clémence à côté de son père, et Paul Dervieux sur la banquette qui faisait face à la leur. J'ai oublié de dire où se trouvait le bouquet d'azalées du Japon, et cependant, c'est une chose essentielle à noter, Clémence avait l'air de le porter à la main. En réalité, il reposait sur ses genoux. Ces fleurs, nées sur une terre de feu, transplantées sur notre sol plus calme et toujours belle, la jeune fille les contemplait avec autant de plaisir que s'il se fût agi d'une parure de reine. De son côté, en voyant l'accueil qui était fait à son présent, le stagiaire se disait in petto « Je serai moins fier 100 fois le jour où je gagnerai ma première cause. » On se rappelle que ce petit drame se passait pendant le solstice d'hiver. L'hôtesse de la tente à la mode de Bretagne était dans un autre quartier que celui de nos trois personnages. Pour y parvenir, il fallait aller de la rue du Helder au faubourg Saint-Honoré, très brève distance sans doute. Mais au bout de 2 minutes, l'attelage suait à grosses gouttes comme s'il eût été question de gravir le sommet des cordillères. Le verglas avait rendu le pavé glissant sous le sabot des chevaux. On marchait sans avancer. Tous, tant que nous sommes, nous avons vu souvent Paris durant ces jours nocturnes et ces nuits souterraines de l'hiver. Vainement, la prévoyance municipale multiplie les lumières. Un brouillard opaque, contrefaçon du ciel anglais, dévore le gaz hydrogène lui-même. Dans l'ombre, un réverbère n'apparaît plus que comme un petit point rouge d'un aspect sinistre. Au milieu de la chaussée et des boulevards, sur la lisière des trottoirs, des promontoires d'une neige souillée et gluante servent de pierre d'achoppement à tout ce qui va et vient. Le flâneur, d'ordinaire si gai, couvert des plis de son manteau, le nez enfoncé dans une bande de cachemire rayé, glisse et se sauve le long des murs en faisant claquer ses dents. Vous diriez des fantômes d'Anne Radcliffe qu'on aurait tiré du suaire de leur hindous pour les lâcher sur l'asphalte. Hélas, je n'ai rien dit encore puisque je n'ai pas parlé de ces pauvres dont la saison rigoureuse décuple toujours la misère. Mary a proclamé un jour une grande vérité, ignorée des faiseurs de statistiques. Il a écrit « À Paris, le froid fait plus de martyrs en 15 jours que Néron et Dioclétien n'en firent à Rome durant tout leur règne. » Vous connaissez les fantômes qui passent et qui murmurent en courant « Ah, mon foyer! Ah, mon poêle! Ah, mon lit, sous les tuiles de la mansarde !» etc., etc. Ceux qui sont muets et mornes, tous ceux qui tombent épuisés sur la dure et qui restent, sont nombreux aussi. Tous les âges, tous les sexes, toutes les professions donnent des victimes au froid. Qui n'a vu la charmante et terrible lithographie de Gavarni, qui fait voir 2 enfants, à 2 minutes, assis, tremblants, sous une porte? L'artiste a crayonné au bas cette légende, trop vraie. Ils ne dîneront pas ce soir. Il pouvait multiplier cette cruelle image en variant les figures, en posant là des vieillards et des femmes. Je prévois qu'on va m'arrêter ici et me dire « Voilà assez de choses noires comme cela. Revenons, s'il vous plaît, à vos fleurs. » J'y reviens, justement. Mais il était indispensable de passer par ce pénible sentier, comparable au cercle de l'enfer du Dante. Tout près de l'hôtel où la voiture aux azalées du Japon se rendait, dans la pénombre ménagée par les falots, s'agitait par moments une femme. Juste ciel, était-ce bien une femme? Non, cette malheureuse créature n'avait plus ni forme, ni ton, ni couleur, c'était une pauvresse. Ne vous récriez pas! Cette femme avait été jolie, peut-être, mais la misère, ayant passé par là, y avait laissé son ineffaçable empreinte. Des chairs terreuses, un œil cave, des lèvres pâles, puis, à partir du buste, rien qui soit de l'être humain. Des haillons tournés autour d'elle, lambeau sur lambeau, et des pieds nus en hiver, pendant qu'il neigeait. En ce moment, ma plume hésite, et pourtant il faut tout dire. Elle portait sur son bras gauche un enfant. Pauvre enfant, il était chétif, malingre, ridé, il ne souriait pas. Il n'a peut-être jamais souri. Comme la mendicité est interdite et à bon droit, il voit presque chaque jour rudoyer sa mère par le passant. Il l'entend lui chanter des chansons suppliantes qui navrent l'âme. Il a souvent des larmes sur le visage, et quand, par un jour de décembre, les fontaines sont prises, il ne peut être bu que les pleurs de sa mère. Ce soir-là, ce groupe faisait mal à voir, surtout à la porte d'un hôtel d'où l'on commençait à entendre la ritournelle du bal. N'allez pas croire que ce soit pour faire des déclamations contre les hautes classes que j'écrive cela. Non, Dieu m'en garde. Mais j'ai trouvé ce fait sur mon passage et je le montre au doigt. D'ordinaire, quand ces silhouettes fatales du pauvre apparaissent aux riches, c'est à la suite de quelques rêves pénibles. Alors, si la jeune mère s'éveille en sursaut, son premier coup d'œil est pour l'enfant rose et blanc qui sommeille à côté d'elle dans un berceau d'ébène, parsemé de langes brodées de dentelle, et comme l'idée de l'infortune d'autrui voltige, semblable à une mouche importune, jusqu'à ce fils bien-aimé à qui rien ne manque ce soir, mais qui, dans un temps où le sort a tant de caprices, tout peut manquer demain. Alors la jeune mère se dit « Ah, si elle était ici, cette pauvre femme, si je la voyais près de moi, avec ce pauvre enfant qu'elle serre contre ses mamelles desséchées, je calmerais d'un coup toutes ses peines. Je lui donnerais ma chaîne d'or. Je lui donnerais, ô mon fils, la petite cuillère de vermeil avec laquelle je remue le sucré qui étanche ta soif. » Dans la rue, c'est-à-dire en pleine réalité, ces élans de charité sont toujours persistants, mais moins vifs. On jette entre les doigts osseux une menue pièce de monnaie, et tout est fini. C'est qu'on s'est dit, si chacun fait autant, la pauvre femme rentrera ce soir heureuse chez elle. La portière de la voiture était ouverte. Paul Dervieux venait de descendre et mettait pied à terre. Clémence allait l'imiter. « Ma belle dame, la charité, s'il vous plaît, » dit une voix qui était à peine de ce monde. Clémence frissonna. Jamais encore la lèpre de la pauvreté ne s'était révélée à elle sous une forme si repoussante. La jeune fille se rappelait d'ailleurs la divine parole de celui qui naquit dans une étable, « Date elemosinam, faites l'aumône ». Elle se rappelait encore les beaux vers de Victor Hugo sur le même sujet, vers qui enrichiront la mémoire des hommes tant que le monde sera monde. La voix reprit. « Ma belle dame, j'ai froid, j'ai faim, je n'ai pas encore étreiné. » L'enfant pleurait. Troublée autant qu'émue, Clémence chercha sa bourse, mais par suite de la plus malheureuse des imprévoyances, elle l'avait oubliée. Elle se rappela que, pressée qu'elle était de se rendre au bal, elle ne s'était point munie de son aumônière. En ce moment, le colonel, à demi endormi, se frottait les yeux, cherchant à comprendre ce qui se passait. « Ma belle dame, vous ne partirez pas sans m'avoir donné. Ma belle dame, la charité, s'il vous plaît, » répéta la voix. « Ah, une idée, » dit Clémence. Étendant son bouquet d'azalée à la pauvresse, elle lui montrait de la main Paul Dervieux, son cousin. « Tenez, » reprit-elle, « vendez ces fleurs à monsieur, qui vous les payera 20 francs, ce qu'elles valent. » Machinalement, sans trop savoir ce que cela signifiait, la mendiante obéit. Le cousin venait de comprendre. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il avait tiré de son porte-monnaie une pièce d'or et avait racheté les azalées du Japon. « Les femmes d'aujourd'hui ont d'étranges caprices, » s'écria le colonel. « Donnez un bouquet à une mendiante, un bouquet de 20 francs. » Voilà une chose qu'on n'aurait jamais faite de mon temps. On venait de traverser le seuil de l'hôtel. En entrant dans la salle de bal, Clémence se pencha légèrement à l'oreille de l'avocat stagiaire et lui dit « Tout est bon à donner, mon cousin, à celui qui veut faire l'aumône. » Cette parole de la jeune fille est de celle que les anges recueillent en souriant d'aise et qu'ils vont déposer au pied du trône céleste avec un doux battement d'ailes. Ainsi s'achève le bouquet d'azalée par Philibert Audebrant.